mutakui kupesa ngai ezala onction mutolo bakinga mutuna pesa kio onction mutako kupesa onction te onction na zwa kala banda na kuma rempli na Saint Esprit. Bible nous dit que vous donnerez l'onction aux gens, mais Bible recommande soyez rempli du Saint Esprit. Au hasard rempli du Saint Esprit, automatiquement il a l'onction de Dieu. Gloire. Avant que toi tu m'aimes.